Le vaillant petit bossu de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. L'autre jour, pour quelle raison, je l'ignore, on ne rencontrait dans les rues, sur les boulevards, qu'officiers de l'armée territoriale. Et la belle fierté qu'ils laissaient voir, leur joie à se promener ainsi, l'épée au côté, en brillant costume, m'ont, par un retour mélancolique, rappelé mes années d'enfance et la vague figure un peu triste de mon petit ami Siffrin. Âme passionnée dans l'enveloppe d'un corps chétif, Siffrin était bossu et voulait se faire soldat. Le sort a de ses ironies. Dès l'école, l'enfant rêve sa vie. Certains d'entre nous, séduits par l'odeur de l'encens, l'or des chapes, la flamme des cierges et, s'accordant avec le mystère de l'orgue invisible et des voix, la lumière surnaturelle qui, tamisée à travers les vitraux, se répand écarlate et bleue sur les dalles, croyaient déjà être prêtres, évêques et, pour commencer, prenaient plaisir à coiffer leur tête blonde, souvent mal peignée, de la calotte d'enfants de cœur minuscule, pareille à la cupule d'un gland. D'autres, ayant manié chez leurs parents quelque arme de sauvage, quelque coquillage bizarre apporté par un cousin retour d'Amérique, cherchaient plus volontiers, au-delà des mers, un avenir de voyage et d'aventure. Les sages, dont j'étais, bornaient leurs vœux à l'heure présente, ingénument heureux, entre deux classes, de courir les champs et les bois, ou de défricher, loin de tous les yeux, en homme libre, un coin de terre vierge, connu de nous seuls, au milieu des roches. Siffrin, lui, ne pensait qu'au noble métier des armes, toujours le premier sur le champ de manœuvre, le jour où nos 30 hommes de garnison faisaient l'exercice et, quand il devait passer des soldats, debout avant l'aube et me réveillant pour aller le long de la grande route, encore noyé de brouillard, à leur rencontre et obtenir l'honneur insigne de porter, l'espace de quelques pas, un fusil sous le poids duquel il pliait. Parfois, il me menait à la terrasse de sa maison qui domine la ville et d'où l'on voit la citadelle. Nous admirions de loin les fortifications du temps de Vauban, leurs bastions géométriques portant à l'angle une échauguette, les deux grands bras du pont-levis. Nous contemplions la sentinelle et nous entendions le clairon sonner, le service et les corvées. Siffrin avait même fini, à l'aide de quel stratagème, par se conquérir l'amitié du portier consigne, un Alsacien gigantesque qui charmait ses loisirs guerriers à fabriquer de menus ouvrages en cheveux. Plus d'une fois, ainsi, nous pénétrâmes dans le fort. Il y avait, avec leurs affûts, de grands canons aux embrasures et, çà et là, couchés par terre et déjà à demi ensevelis sous l'herbe qui sentait bon, des couleuvrines espagnoles d'une longueur vraiment surprenante et des canons du roi soleil aux culasses lourdement armoriées dont j'essayais, tant bien que mal, de déchiffrer les devises latines tandis que Siffrin, plein d'une martiale ivresse et frissonnant de tout son petit corps, se pelotonnait dans la gueule d'un obusier. Nous respections Siffrin malgré sa bosse qu'à la fin nous avions oublié. Siffrin possédait un tambour venu de la foire de Beaucaire ainsi qu'un shako du Premier Empire découvert un jour au grenier. Cela lui donnait sur nous un ascendant extraordinaire. Il nous inculquait ses idées guerrières. Armés de sabres de bois, de fusils fabriqués avec des roseaux, nous le suivions et, shako en tête, tambour battant, tout ensemble musique et général, Siffrin menait son monde à la bataille. Ce fut un beau temps pour Siffrin. Malheureusement, Siffrin grandit et prit conscience de sa bosse. Il ne coiffa plus le shako, il ne joua plus du tambour. Plus tard, marié, père de famille, ayant hérité des siens un petit fonds d'orfèvrerie, on le voyait tranquille devant son établi, limer, souffler la flamme au chalumeau et, en apparence résigné aux réalités de l'existence, exerçait aussi gaiement et aussi honorablement que possible son état d'orfèvre bossu. Pourtant, les jours de tirage au sort, une tristesse lui venait. Ces jours-là, il se réfugiait à la campagne, tout seul et tâchant d'oublier sa propre conscription, ce numéro 1 qui fit tant rire au sortir de l'urne et le ton goguenard dont, au conseil, l'aide-major lui dit, avant même qu'il eût enlevé sa chemise, « Allons, c'est vu, rhabillons-nous. » Dire que les conscrits pleurent toujours en tirant ce numéro 1 qui vous envoie guerroyer au-delà des mers sous le costume bleu de l'infanterie de marine, dire que quelques-uns emploient, pour échapper à la caserne, 1000 condamnables subterfuges, se brûlant les yeux avec des lunettes trop fortes ou promenant des nuits entières une pierre énorme sur la tête, avec l'espoir de renfoncer un peu de leur cou trop long dans les épaules. Certes, c'est lui si fin qui aurait voulu avoir la taille et que son numéro 1 pût compter. Mais, hélas, il n'y a de filtre que pour le mal, et les sorcières du faubourg, si expertes avec leurs herbes et leurs grimoires à faire du plus solide gars un phtisique, ignorent encore l'art de redresser les bosses. Ce miracle eut lieu cependant, tant il est vrai qu'un ferme vouloir triomphe de tout. La Prusse nous envahissait. Gambetta, descendu de Ballon, venait de jeter son appel aux armes, et partout, dans les villes comme au village, tous, mobiles, mobilisés, gardes nationaux, prenaient le fusil. Électrisés par les circonstances et se rappelant, vision lointaine, les jours glorieux de jadis, Siffrin conçut le projet hardi d'être au moins de la garde nationale. D'abord, sa prétention fit rire. « Je suis chasseur, disait Siffrin, et saurais, quoique je n'ai pas la taille réglementaire, viser mon hulan aussi bien qu'un autre. » À quoi le capitaine, ancien sous-officier épris de régularité et féroce sur la théorie, répondait avec quelque raison. « Je ne dis pas non, monsieur Siffrin, on pourrait encore passer sur la taille, mais il y a la question d'alignement. S'il ne s'agit que de cela, je m'arrangerai pour être à l'alignement, mon capitaine. » Le lendemain, à l'heure de l'appel, on vit arriver sur le champ de manœuvre un tout petit garde national, trop petit peut-être, mais si brave, l'air si décidé. On reconnut M. Siffrin et on s'étonna qu'il n'eût plus de bosse. « Est-ce qu'il y a des bossus en temps de guerre ? » disait-il. Or, tout le monde s'étant mis à l'alignement, le capitaine s'aperçut qu'en effet le havresac de Siffrin ne dépassait pas les autres d'un millimètre. Ne cherchez pas à deviner, c'est le havresac qui constituait toute la sorcellerie, havresac creux construit sur les indications de Siffrin et dans l'épaisseur duquel, exactement, la bosse désormais invisible s'emboîtait. Et l'ingénieux Siffrin, toujours doublé de son inséparable havresac, ne fut plus jamais bossu, du moins tant que dura la guerre. Comme il était plein d'en avant et s'était révélé de première force sur l'instruction et la manœuvre, on l'avait nommé caporal, puis sergent. Ah, si les Prussiens étaient venus, de quelle façon ils les auraient reçus, l'enragé petit homme ! Les Prussiens ne vinrent pas, mais qu'importe, l'héroïsme n'en existe pas moins, même quand il lui manque une occasion de s'exercer. Pour la seconde fois, en 40 ans, Siffrin avait été quelques instants heureux. Oui, aussi ingénument, aussi parfaitement heureux qu'à l'époque où, avec son tambour cerclé de cuivre, son shako de la Moscova, tout ensemble, musique et générale, il menait à travers les rues de la ville son bataillon de gamins mal mouchés. Ce qui prouve, conclusion consolante, que tout arrive à qui sait attendre son moment, que les pires destins ont leur retour et qu'il ne faut jamais, même bossu, désespérer de la vie. Tiré 2, Le midi bouge.